Avant, comment tu te sentis durant le match Bien le match. Après on a perdu le match, mais on a bien commencé. Dans le contenu c'était pas mal. Après on a perdu sur deux erreurs isolées, des erreurs individuelles. Ça qui est un peu qui est dommage. Un peu de la déception à la fin du match, mais plus ou moins pas trop de regrets. Votre coach a souvent dit que peut-être la marge de manœuvre entre U23 Impact et USL Pro, c'est peut-être le côté physique. Est-ce que vous avez ressenti cette différence contre TFC 2? Non, plus ou moins pas vraiment. C'est arrivé sur le terrain, c'est 11 hommes contre 11 hommes, donc il n'y a pas de. La différence physique, elle est vraiment moindre, ça va plus dans l'intensité qu'on met. Si on regarde Toronto qui ont joué une saison complète la saison dernière en Ligue 1, est-ce que vous avez une différence d'expérience de niveau sur le terrain aujourd'hui? Non. Comme j'ai dit, dans le contenu, on n'a pas été déclassé. Dans le contenu, on a été relativement correct. Donc, je crois même pas qu'on a été inférieur à eux dans le contenu. C'est vraiment à la fin, pour gagner, il faut marquer des buts. Ils en ont marqué, on n'en a pas marqué. Donc, c'est aussi simple que ça, au final. Si on regarde aujourd'hui, vous avez eu plus de chances que le dernier match pré-saison. Vous avez eu 4-5 chances comparé notamment à une en fin de match. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir des meilleures chances de marquer encore plus? Il y a plein de facteurs là, mais peut-être un peu plus d'agressivité offensive, c'est-à-dire aller vraiment jusqu'au bout de nos actions, y croire un peu plus sur les centres, tout ce genre de trucs là, mais ouais, ça serait un peu plus ça, parce que comme j'ai dit, dans le contenu on a été pas mal, dans les actions amenées ça a été relativement bon. Si juste arriver dans le tir offensif, c'est la différence, c'est celui qui croit va la mettre au fond, et celui qui croit plus ou moins, ça te frappe le poteau, ça passe à côté ou ça. Voilà. Ça doit être doux à main pour toi, parce qu'en première demi, tu sauves le but, puis en deuxième demi, tu te prends un contre-son camp. Comment tu. Après, sur le. Comment c'est arrivé, j'aurais pas pu faire grand-chose. Mais à chaud comme ça, je suis. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration, de la déception aussi, mais je sais que j'aurais pas pu faire grand-chose. C'est dommage, c'est un coup de malchance.